Tuyagurukundo ni ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'urukundo mu gishikirizwa na radio Isanganiro. Tuyagurukundo. Ndabaramutse ndongere ndabaye kaze n'icyo bagenzi namba kunze ibiganiro vya radio Isanganiro kaze mu kiganiro tuyagurukundo kiyagomwa mama mukurikirana ku minsi nke nk'amango. Ikiganiro tuyagurukundo kaba kigizwe n'ibice bitatu. Mu gice cya mbere turabira hamwe kuvyerekira urukundo, mu gice cya kabiri turishiba kubaza umwatwandikiye, naye mu gice cya nyuma twahariye agahugu k'urukundo tukabasigurira ururirimbo ruvuga kuvyerekira urukundo. Tuyagurukundo. Uno munsi mu gice cya mbere turaza kurabira hamwe uko umugore ukwigenza mu gihe umugabo wiwe arenga ibigo. Turishura ku bibazo mwatwandikiye kuri 76 93 35 35, cyangwa kuri 68 82 68. Eka mukandika n'akajambo kaze mugasiga umwanya mukarungika no ku 99. Mu gahugu k'urukundo uno munsi tukaza kubasigurira akaririmbo perfect turimbigwa na Ed Sheeran nk'uko abakunzi ba kino kiganiro mwabidusavye. Balene Byarimana nkaba nongeye kubaha ikaze.

gushamirana bishobora kuvamwo no gukomeretsanya mu kwiyumvira uzorabe yuko ataruhara rukomeye watumye arenga ibigo nimba ivyo wasabwa byose warabikoze ukaba wigenza neza ku buryo bwose bushoboka mu rugo cyane kuvyerekeye amabanga yabubatse namahigo ariko nimba ubona hari uruhara wabigizemo navyo ntivyo kubuza kubandanya utera intambwe ikurikira ikigira kane ni ikiganiro nimba waragenzuye ukabura impamvu yamuteye arenga ibigo igikurikira ni ikiganiro musaba umwanya muje ahantu yiherereye hanyuma mu buryo no mu ijwi ryo hasi mubaze icyatumye arenga ibigo icyo yakuburanye yagiye kurondera ahandi abagabo n'abana beza niba aca bugufi azokubwira icyo abimutumye gutyo uzobasha kumenya nimba hari uruhara ubifisemo canke ataruhara ubifisemo n'atari ingeso yamanye ariko abagabo bagenzi biwe nabo barashobora kuba barayimwanduje inyuma y'ikiganiro niho uzobona nuko umubabarira kubabarira ni ikintu kiranga abantu bose bakundana nutabasha kumubabarira ngo murabe kazoza umubano wanyu uzobushingiye ku byaje gusubira kuba ku mubano nimba uhisemo ko mubandanya kubana kubera impamvu z'abana mwabyaranye indoto mufise zo muri kazoza byinshi muhuriye ko urukundo mukunda naho yarenze ibigo ukiwe kubirengera mugasubira mu kabana nuko rero mukunzi wa tuyagira urukundo cyo cyambere cyuko umugore yo kwigenza mu gihe umugabo we warenga ibigo bavuze kudacubishira hejuru kwihuta gufata icyemezo cyo kumusubiriza mu ndobane ufata umwanya ukwiye wo kwiyumvira hanyuma ushira imbere ibiganiro mukanya n'ibibazo mwatwandikiye aho mwandika kuri 76 933 35 cyangwa mukandika jambo kaze mugasiga umwanya mukandika icyo kibazo cyanyu mukarungika kujana na 90. Ni mushikirije ibibazo byanyu ndi sekido cha nkuzomishia ni gute urukundo goramba kuwo mukundanye urukundo goramba ariko mutahakanya ngo nimubandanye muvugana canke mubonana no kuvuga muganira kuko iyo mubanye kure na kure hanyuma mukaca muca ibiganiro no kuvuga ariko ko rukundo ruratinda rukagabanuka ndakunda ikiganiro cyagura urukundo ko nkatwebwe ugwaruka kiraduha impanuro kikatwigisha emwe mu kongereza umwanya w'ikiganiro ndi Samuel Mukinyinya mu Ruyigi urakoze cyane ati dusongereza umwanya nibaze ko no umwanya ukuye Samuel mwiriwe neza mutama nitwa Elise Mucankuzo munzu mukobwa mugabo abavyeyi banje ntibashaka ko dukundana ariko je ndamukunda vyukuri mu mpanuro nkoriki ni kibazo twamaturwa turashikiriza aho usanga abantu bakundanye ugasanga abavyeyi nabo bati wapi ico ni kibazo rero kukurumva nimusha gukundana hatarimo umuhezagiro w'abavyeyi ivyo rero nokuraba mukamura bihagarika gukurumva nta mihezagiro yabirimo bite ndi Brice Bururi twakundanye n'umukobwa niga mu windwi nawe yiga mu wa gatandatu ariko yava kure none ubu yaragiye kaneza imyaka itatu tutabonana tuyaga kuri phone akambwira ko akinkunda none ndindire canke nzo muhebe oya murindire ubu unye bintu zinka kera byari bigoye unyurumva ko mufise umwanya mukavugana no ku telefone ahubwo komeza ivyo biganiro kuko buriya ko ari kure nabivuze aho haruguru yuko umuntu iyo mubandanya muri en contact muri kumwe niho n'urukundo rukomera nibaza rero yuko uwo bandanya mwandikirana ndabaramukije nitwa Anik Mwaro dukundanye n'umuhungu yarahejeje amashuri nanje sindaheza mugabo nibaza ko iyo bafise abandi bakundana none ndamuhebe ahantu kuraba rero neza we yarahejeje amashuri urumva hari bitandukaniro rihari ngaho kandi nikuraba neza nimba afise abandi hajye urumva karabaye bite balene je wenda afise umuntu yambwiye ko ankunda aguma asaba ikirori none gukundana bisugura gutanga ikirori oya naho biri mu mugabo gukundana ntibitanga ikirori banzurabe yuko ko mbega wowe uramukunda nimba utamukunda urumva nta kamaro ndabahaye mwiriwe ndi ya Kizimana Methode ndi mukanyosha turabakunda kuganira umutegurira tuyagura urukundo turagikunda cyane fise umugenzi wanje yakunze mushikiwe mu muryango none baravyaranye ariko abavyeyi ntibabemerera kuzobana none mwohanura iki nibaza yuko ko wumva abavyeyi bavyanse kandi urumva n'abantu bamacuti mu muryango ni mushikiwe urumva barabona yuko bidakunda koko murazi yuko hari hariho abantu bamwe bamwe badashobora kubana kubera baba basangiye bahuje ivyo basangi ari amacuti ashika urumva nkagishike nagisaza ntibobana bitendeje afete nkundanye n'umukobwa arankuna nanje ndamukunda mugabo yambwiye ngo bamuharamva school ngo atana kimu yakoze mugabo ntohoje bacambira ngo yivifone ndamuhebe rero we unukura urumva deja uyo naho ntimuzoba kuko urumva n'umuntu kugira ngo umugire ni mubano bizogora urumva yivye telefone y'abandi none baramwiruka urumva rero uyo onye birashoba kugora mugabo urashaka kudaranya mu yonge soka y'umukuramo bitendi Claude mu mugamba umusozi vyuya gacimbira kanyinya shaka gukunda umukobwa ndamumajije kuvyo urukunda mbwira ati jewe nta numwe nkunda none fatiki uyo yaragukuyemo uyo agomba ati jewe usanga nta udakunda mugabo urashaka kusanga harakana kubona ati oya jewe uyo ntitwakundana amahoro mutama balendi alembe banza nakunda nyine umukobwa none agira heze kaminuza nanje sindayitangura none no kwizera kwa zondindira tukabana wapi wapi wapa mahigo ni make cyane wapi uyo uyo ntimukinana nangana bitende baramubije sinashimi kuvuga izina nakunze umukobwa ariko akunda kujya gutamba mu kirori nka mubona ari kumwe nabandi akambwira ngo no bugenze busanzwe uraraba neza koko yuko ari ubugenze abagenda batamba na urumva buke buke bitangura uko mugenda babandi ngo la petit vient en mangeant nokuraba neza yuko udasanga urubwiyengo kumukunda sa tazotansanga uruko wibabaza umutima ngira ngo umukunze nabo bucuje muri ivyo birori mwiriwe neza nanje vese umukobwa aguma saba ko nufata umwanya kenshi tukabonana kandi naramubwiye ko twubatse nuwundi mufashiki uyo mukure mu nzira uyo mukure mu nzira ahubwo agira gukwegere wo urumva wubakanye nuwundi urafise umugore wawe mu bana uyo onye mukureho umubwire uti oya mbere na nimero yo telefone akwandike ntumushure kugira umwereke yuko mutakiri kumwe nuko rero ivyo nivyo bibazo twari dufise mu kanya tuje dutandukira ku gahugu k'urukundo aho tubasigura ururirimbo perfect turimbigwa na Ed Sheeran nkuko abakunzi ba kino kiganiro badusavye ari benshi agahogo k'urukundo kuri radio isanganiro narara musurukundo kuri jewe darling just dive right in winjire mu mukunzi ama ukurikira inzara yanje narara musumwigeme umwigeme mwiza kandi aryoshe sinarenzi ko wari umwe narindindiriye kubera yuko twaravana igihe twakundana tutazi icyari cyo sinzoguheba ubonye kandi umugabo mukunzi soma buhoro umutima wawe niwumfise gusa hama mu maso yawe uhobereye umutima wanje mukunzi ndiko ndatambana nawe mu mwiza uri mu maboko yanje atabirato nambaye mu vyatsi numviriza indirimbo za ukundo mu gihe wavuga ko bitameze neza vyarambabaza ndabura uko ndabigenza mugabo mukunzi usa neza muri nijoro nararonse umukenyezi akomeye gusumba abandi bose nigeze kubona dusanga indoto nkiyumvira ku munsi umwe tuzosangira uburaro nararonse urukundo waragusumba amabanga yanjye gutera urukundo gutera abana bacu twara abana bato mugabo twari mu rukundo tugwana n'ibi vyose ndazi ko bizogenda neza kino gihe mukunzi batugumye ukuboko kwanje bagwanje nzoba uwawe kazoza kaje ndakabona mu maso yawe mukunzi ndiko gatamba na nawe mumwiza uri mu maboko yanje atabirato nambaye mu byatsi numviriza indirimbo zawe ukunda ndakubonye muri iyo mpozo uri mwiza cyane sindabikwiriye mukunzi usa neza cyane muri iri joro ndiko natamba nawe mumwiza ndagobiri mwaruko yanje atabira tunambaye mu byatsi numviriza zandirimbo wakunda ndacyafise icyizere mu byo mbona ndabona ko nahuye n'umumarayika bwiwe akabari mwiza cyane rwose ibi ntabwo ndabikwiye usa neza rwose muri iri joro ni kuri iyo nsiguro perfect na Ed Sheeran ari naho nsozere kino kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi ndakwibutse yuko cyari igice cya mbere cy'uko umugore wo kwigenza mu gihe umugabo wewe arenga ibigo reka ndabashimire mwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabahirinda isango ku munsi nk'uko twatanguriye mugire ijoro ryiza naho utaha murakoze cyari kiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na radio Isanganiro.